La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se c'est le progrès.